بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث العاشر بعد المئة، 110 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم نستطيع أو لم يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. Donc Anas ibn Malik رضي الله عنه dit que nous faisions la salat avec le prophète صلى الله عليه وسلم même lors de la chaleur intense. Et que si l'un d'entre nous ne pouvait justement poser son front sur le sol à cause de la chaleur, alors il posait son vêtement et se prosternait dessus, afin de se protéger de la chaleur du sol. طيب يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الراوي, le rapporteur, c'est Anas ibn Malik رضي الله عنه, dont on a déjà parlé auparavant, qui était le valet du Nabi صلى الله عليه وسلم, qui l'a servi durant une dizaine d'années. يقول موضوع الحديث بيان حكم سجود المصلي على ثوبه. Que ce hadith démontre le jugement quant au fait de se prosterner sur le vêtement. De se prosterner sur un vêtement, une chose qui est mise au sol. يقول في الشرح الإجمالي. Explication globale du hadith. الأصل أن المصلي يسجد على مصلاه الذي يصلي عليه من الأرض أو فراش أو غيرهما بدون حائل. فإن يحتاج إلى الحائل لعدم تمكنه من مباشرة المصلى, فإن أنس بن مالك رضي الله عنه يخبر أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في شدة الحر والأرض لم تبرد بعد, فإذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم من الأرض بسطوا ثيابهم على الأرض وسجدوا عليها ليتمكنوا من الاستقرار وطمأنينة حال السجود. Donc il dit, là-bas, c'est que celui qui fait la salat se prosterne directement sur le lieu où il fait salat. Qu'il s'agisse du sol, ou par exemple de la moquette, ou un tapis sur lequel il y en a qui se trouve sur le sol. Sans qu'il y ait une chose justement qui vienne séparer entre lui et son lieu de prosternation. Mais si jamais un besoin se fait sentir du fait qu'il ne puisse se prosterner directement sur le sol, pour quelconque raison, comme par exemple dans le hadith, c'est la chaleur, le sol était très très chaud, ou demain, je ne sais pas, le sol est mouillé, ou il y a, je ne sais pas, par exemple, des insectes, des fourmis, ou même une chose par-dessus, alors Anas ibn Malik informe qu'il faisait la salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dhor, et qu'il faisait très chaud, et que le sol était encore, lui-même, était encore atteint de la chaleur, ce qui brûlait le front. D'accord, ce qui l'empêchait de poser leur front sur le sol. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déployaient et étalaient leurs vêtements sur le sol afin de se prosterner dessus, afin de pouvoir justement le faire en toute quiétude et lors de la prosternation et en toute aisance. Hadha يقول من فوائد الحديث, les enseignements du hadith, جواز سجود المصلي على ثوبه أو نحوه مما يتصل به إذا دعت الحاجة إليه لحر الأرض أو نحوه, qu'il est permis justement de se prosterner sur notre vêtement, une chose qu'on mettrait sur le sol, une imama, ou même la chichia qu'on emporterait, on la pose par terre, ou autre, lorsqu'il y a un besoin, comme par exemple un sol qui serait trop chaud, ou autre, comme les raisons que nous avons citées auparavant. Il y a par exemple, ces jours-ci, bien que nous ne sommes pas d'avis qu'il soit légiféré de faire la salat avec la distension de 1 ou 2 mètres à cause du coronavirus, quoi qu'il en soit, il est permis d'avoir, par exemple, son tapis de salat, le petit tapis, pour pouvoir se prosterner dessus. Ça, c'est une cause qui ne s'oppose pas à la législation. Contrairement au fait de se séparer de 1 ou 2 mètres. Qui ça s'oppose à des textes. Quant au fait de mettre, justement, un tapis personnel pour soi-même, cela, c'est une cause qui est légiférée. Kazalik yaqul, أن المشروع مباشرة المصلي للمصلى بدون حائل, لأن الصحابة إنما يجعلون الحائل عند الحاجة. Et ce qui légiférait à la base, c'est de se prosterner directement sur le sol, sans rien mettre qui puisse séparer ou faire une séparation d'âme entre le front et le sol, hormis lors d'un besoin. ثالثا مشروعية تمكين الجبهة مما يسجد عليه. Il dit qu'il faut que, à la base, le front soit en contact du lieu de prosternation. Rabi'an, ijtinab ma yumna'u al-khushu' min fi as-salah. Qu'il faut éviter les choses qui empêchent justement la concentration dans la salat. Et ça, on a vu plusieurs causes, comme par exemple, si la nourriture est bien, ou si on a envie d'aller aux toilettes, toutes ces choses-là reviennent au même point, afin de trouver le khushu' dans la salat. Et cinquièmement, jawaz al-amal al-yasir fi salat limaslahatiha, qui lui permet de faire certains gestes, d'accord, tant que ce n'est pas trop exagéré, s'il y a un besoin, s'il y a un intérêt à le faire, certains mouvements autres que ceux de la salat. نعم هذا الذي قلنا اليوم من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين